Et dans le quartier, y'a des mauvaises tentations. À deux doigts de prendre des grosses condamnations. Ça boit la potion et ça fume le poison. Faut faire gaffe les fréquentations. J'ai envie de tout casser, j'm'en fais un gros tassé. Besoin de me faire masser, j'suis pas pour qui tu veux te faire passer. Frangin, y'en a assez, le passé faut le ressasser. J'calcule plus, j'fais que tracer. J'prends mon temps, j'suis pas pressé. Plein de péripéties, et mon cœur se rétrécit. Me lance des piques, me sont pas précis. Dis-moi ça nique des merdes. Dis-leur que faire gaffe, tout est éphémère. J'vois ma team derrière moi. Chaque album à chaque mois. J'aurai sorti un son par jour toute l'année. Si ça te pique à moi, me frappe des lots, j'suis fier de moi. S'il te plaît viens plus me dire ça parle de nous. J'm'en fous, j'irai tout droit. J'garde la tête haute, poteau. De road justice c'est trop le cous. Relativiste si tu vois que ça s'arrête pas et que ça fuse. Profite de ta famille, de tes proches. Tant demain tu meurs. Essaye d'avoir ce que tu veux avec les crocs du Rockefeller. Oui des lignes je m'évade. Je ne regarde même plus l'heure. Au fil du temps je me concentre. Pour au moins faire des erreurs. Regarde vite quand je pense. Toi tu t'évades quand le jour tu le poses. Il se passe trop de choses. Des drames à cause de petites classes sur Pumzade. Faut que t'assures pour le padré. J't'assure, il faut travailler. Et ça, tous on le sait. Des fois, je serrais, ouais. Pour des trucs, j'peux pas tolérer. Besoin de m'aérer. Être dans la zone errée. J'en ai marre de galérer. J'me taillerai un jour, vous verrez. Maman, sur toi, j'veillerai. Pour toi, tout je ferai. Y'a ceux qui changent. Y'a ceux qui restent vrais. Y'a ceux qui foncent. Y'a ceux qui font que parler. Et dans le quartier y'a des mauvaises tentations. À deux doigts de prendre des grosses condamnations. Ça boit la potion et ça fume le poison. Faut faire gaffe les fréquentations. Et dans le quartier y'a des mauvaises tentations. À deux doigts de prendre des grosses condamnations. Ça boit la potion et ça fume le poison. Faut faire gaffe les fréquentations.